ce que j'étais assez clair. Merci de m'avoir écouté et le débat est ouvert. On a dit que ce serait question-réponse. Je pense que c'est mieux si c'est vraiment un débat. C'est pas forcément vous qui posez des questions et moi qui répondrai. Donc, simplement, la parole est à la personne qui veut prendre la parole. Donc, j'ai été très attentive à tout ce que tu as dit et j'avais moi juste une idée de pourquoi on est venu à faire ces distinctions et à consommer des éléments humains. Alors je te la soumets, comme ça je voudrais avoir un retour d'expert. Pour moi, l'être humain ne s'autoconsomme pas, à part quelques rares cas en fait, d'anthropophagie, dans les sociétés tribales, surtout pour des raisons en fait de. Je prends la forme des mots par son cœur ou son cerveau. Et d'ailleurs, heureusement que si l'humanité se dévorait avec tout ce qu'elle bouffe, je pense qu'on existerait déjà plus. Mais j'imagine que c'est vraiment la nécessité de perpétuation de l'espèce, qui est aussi inscrite très profondément quand il est intrinsèque à notre existence, qui nous empêche finalement de nous manger entre nous, de manger nos semblables. Donc, on ne peut pas s'autoconsommer, donc on va consommer les êtres vivants les plus à proximité, les plus accessibles, et donc toute cette série de prétextes pour pouvoir justifier cette autoconsommation qui, en fait, reste une question d'instinct, de question de survie, de question de pratique aussi. Oui, je sais pas, enfin, moi, personnellement, je suis un petit peu sceptique sur. Sur l'idée que les humains ne se mangent pas entre eux. Enfin, déjà sur l'idée de conservation d'espèces, je pense que. Bon, il y a une idée en biologie qui était le finalisme biologique. Par exemple, les organes de la reproduction sont faits pour reproduire l'espèce. La biologie d'aujourd'hui, elle ne. Je pense que cette idée elle est caduque. Je pense à Dawkins Dawkins qui a écrit le gène égoïste, qui est un sociobiologiste. Enfin bon, sociobiologie, je pourrais voir ce que ça veut dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais je pense qu'il a raison au niveau du fait que si on prend la logique darwinienne de reproduction, de dire bon ben ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qui s'est reproduit dans le passé. Les individus qui ne se sont pas reproduits, ils se sont pas reproduits, donc ils ne sont plus laissés leur gène aujourd'hui. Dawkins a dit cette logique en fait, elle doit s'appliquer non pas au niveau de l'espèce, non pas au niveau même de l'individu, mais elle devrait s'appliquer au niveau du gène. Alors lui, il a cette image qui à mon avis est très critiquable, du gène égoïste, mais qui a quelque chose de vrai, qui est que l'unité de sélection, en fait, elle est au niveau du gène et pas de l'espèce. L'espèce, c'est quelque chose qui est une inconnue dans la nature. Je veux dire, on parle souvent en biologie, souvent on parle d'espèce, mais souvent par habitude. Par exemple, moi j'ai entendu dire, c'est à l'époque de l'histoire de la vache folle. On disait, ah ouais, la vache folle, on est protégé parce que il y a la barrière d'espèce. La vache folle, c'est une maladie qui, oui, ça passe de la vache au mouton, etc., etc., mais ça n'arrivera pas jusqu'à nous à cause de la barrière d'espèce. Donc, il disait ça, il disait dans une même phrase, ça passe de la vache au mouton, et puis il disait, on est protégé par la barrière d'espèce. La vache et le mouton, c'est pas la même espèce. Donc, je veux dire, en fait, la notion d'espèce, elle n'est pas vraiment prise au sérieux par les biologistes qui l'utilisent. Ils vont dire, oui, c'est très rare le cannibalisme au sein d'une même espèce. En fait, non, c'est pas rare, c'est même très fréquent. Chez les poissons, par exemple, c'est même très fréquent que les poissons mangent leurs propres petits. Je veux dire, la maman poisson, elle est grande, et bébé poisson, elle sait pas lesquels sont les siens et lesquels sont ceux des autres, et puis bon, elle ne sait pas non plus reconnaître les espèces très bien. Elle bouffe ce qui passe, y compris ses propres petits. Chez les chez les lions, par exemple, c'est connu que le lion, s'il arrive à obtenir, s'associer avec une femelle donnée, et que cette femelle a des petits nouveau-nés, d'un autre mâle, hop, on va les trucider, et puis on va les bouffer, parce que bon, faut pas laisser perdre cette bonne chair. Et ça s'explique, en tout cas, une explication sociobiologiste et dans laquelle que je trouve assez vraisemblable, assez plausible, c'est que les lions qui avaient ce comportement-là, eh bien, ils se reproduisaient plus que ceux qui l'avaient pas. Et donc voilà. Il y a pas, je pense pas qu'on ait en nous une volonté de ne pas propager notre espèce. Et puis historiquement, je veux dire, si on avait une volonté de propager notre espèce, on aurait peut-être moins tendance à se massacrer entre nous. Je vois pas très bien où se placerait ça. Je veux dire, il y a un tabou sur le fait de bouffer les autres êtres humains, mais même les gens qui violent le tabou, qui violent l'interdit de tuer. Eh ben, il bouge pas non plus. Donc, ce tabou, il est un petit peu indépendant. Enfin, il est pas indépendant, mais il est en plus de... Moi, je pense que l'histoire de tabou de l'anthropophagie, je sais pas d'où ça vient exactement, je pense que ça a des relations assez étroites avec le tabou avec le spécisme, mais que ça peut pas être une explication première, quoi. Ben voilà, vraiment. Moi, j'ai pas d'autres idées très précises sur ce sujet. Je pense en tout cas que le spécisme, on peut pas non plus le réduire à ce tabou d'anthropophagie. Il y a des gens, il y a une certaine Cora Diamond, que j'ai vu récemment, et que dans le débat académique français, on est en train de ressortir, parce qu'elle a dit feu, c'est pas par spécisme qu'on mange les animaux et pas les humains, c'est parce qu'on a décidé au départ qu'on mangeait pas les humains, et puis voilà, c'est tout. C'est à partir de ce tabou-là que tout s'est construit. Moi, je pense clairement pas, quoi, parce que c'est clair que l'idée qu'il faut bien traiter les humains et que ça n'a aucune importance comment on traite les animaux, ça va bien au-delà de la question de les manger ou pas. C'est, la question de les manger ou pas est importante là-dedans, mais que c'est pour une grande partie, c'est quand même parce qu'on considère que l'animal, la vie de l'animal n'a aucune importance qu'on considère qu'on peut le manger. Et c'est ça qu'on signifie quand on mange un animal, en grande partie. Et que c'est quand même aussi parce qu'on considère que la vie d'un être humain a une importance infinie, et que cette sacralisation, elle s'étend même aux organes de l'être humain quand il est mort. Je pense que c'est plus comme ça que ça se passe que l'inverse. C'est plus, en fait, un délire de pouvoir, une volonté de domination qu'on a en nous, et qui se traduit par l'asservissement, et ça passe par l'alimentation, et la nuit qu'on... Oui, et que le fait de manger a son rôle symbolique là-dedans. Maintenant, l'histoire est complexe, et je pense qu'effectivement, dans les communautés de chasseurs-cueilleurs, alors bon, moi, j'y connais pas grand-chose à la paléontologie, et je pense que même les spécialistes ne connaissent pas grand-chose non plus, même s'ils disent beaucoup de bêtises, mais bon, mettons qu'il y ait eu une période où tous les humains étaient chasseurs-cueilleurs, et que c'est ça ce qui nous a mouflés, bon, c'est clair qu'à l'intérieur du groupe, ils ne se bouffaient pas entre eux, quoi. Il fallait bien qu'ils aient leur propre cohésion, de la même façon que le groupe de loups, en général, ils évitent de se bouffer les uns les autres, et que l'habitude de ne pas bouffer les humains et par contre de considérer que les autres animaux sont bouffables, elle a peut-être aussi beaucoup à voir avec ça. La survie du groupe. Survie du groupe particulier, mais je pense que c'était pas formulé en termes d'humanité à l'époque. Oui. On peut très bien faire l'hypothèse d'être anti-spéciste et manger de la viande. Je pense qu'il y a des cas comme ça. Alors, Est-ce qu'on peut respecter l'animal et le manger, et le tuer pour le manger? Ben, c'est grosso modo ce que dit Estelle. Et on peut effectivement considérer que, bon, je suis un spéciste, je ne fais pas de différence entre les humains et les animaux. Au supermarché, je trouve du bœuf, je ne trouve pas d'humain, et maintenant je trouve pas de chat, donc je bouffe ce que je trouve. Donc, c'est la position, formulée comme position amorale, oui, formulée comme position morale, après, sachant qu'on fait quand même un grand tort à un être quand on le fait tuer et qu'on le mange, la personne en question, il faudrait qu'elle justifie pourquoi elle fait tuer les animaux et pas les humains. Alors, si c'est parce que elle vient en prison si elle tue les êtres humains, ben, c'est pas un argument moral. Si elle veut parler au niveau moral, ben, il faudra qu'elle dise, ah ben, moi je veux bien tuer les animaux qui ne sont pas, par exemple, qui n'ont pas conscience de la mort. Des êtres qui n'ont pas conscience de la mort. Si je tue des humains, ils vont le regretter, enfin, ils vont pas le regretter, mais ils vont avoir peur d'être tués, alors que les animaux, ils vont pas le savoir à l'avance. Bon. C'est un argument, pour une part, qui est assez de guerre, on peut l'interpréter comme allant dans cette direction-là. Ça ouvre toute une question éthique dont il faudrait débattre. Pour moi, c'est une question très, très complexe. Je pense qu'aujourd'hui, dans les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est clair que tuer un animal, alors qu'on respecte la vie des êtres humains, on ne peut pas le justifier sur une base non spéciste. Dans un monde parfait, on peut imaginer plein de trucs, du coup, elles seraient parfaitement heureuses, elles ne se rendraient pas compte qu'on va les tuer. Donc la question éthique de savoir pourquoi il est mal de tuer un être, que ce soit un être humain ou que ce soit un animal, c'est une question éthique très complexe. Il y a des gens dont je suis qui pensent que l'argument selon lequel avant d'être mort, on n'est pas mort, donc le mal n'a pas été fait. Une fois qu'on est mort, on n'est plus là, donc le mal n'a été fait à personne, puisque on n'est plus là. C'est un argument qui est difficile à réfuter. Donc, de ce point de vue-là, tuer un être sans le faire souffrir, parce que si on le fait souffrir avant, évidemment, c'est un mal de la souffrance, mais la mort en elle-même, mettons, de tuer quelqu'un par surprise, sans qu'il s'en rende jamais compte, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est pas un mal, c'est une question éthique qui est complexe et on peut ne pas être d'accord sur cette question éthique-là, tout en admettant que la réponse, de toute façon, ne dépendra pas du fait d'être un être humain ou pas. Peut-être que ça dépendra. Peter Singer, par exemple, il dit qu'un être qui peut faire des projets dans l'avenir, en le tuant, on va le frustrer de ses projets à l'avenir, alors que, bon, une souris, elle n'a pas beaucoup de projets, donc c'est beaucoup moins grave de la tuer. Pour moi, c'est pas un argument très, très fort. Je trouve pas ça plausible. Il y a des gens qui le trouvent plausible. En tout cas, en tant que tel, c'est pas un argument spéciste. Et donc, on peut dire que Peter Singer, sans être spéciste, fait une discrimination entre la plupart des êtres humains et la plupart des animaux. Singer, il dit, oui, mais quand même, il y a beaucoup d'animaux qui peuvent faire des projets pour l'avenir, donc, il dit que tu es un chimpanzé adulte normal, disons, et peut-être très grave et plus grave que tu es certains humains, donc il n'est pas spéciste. Mais moi, ce que j'ai voulu vraiment, c'est mettre l'accent sur le fait qu'il y a un noyau qui est très facile à défendre, qui est minimaliste, et que après, tous les débats sont importants, mais qu'ils ne préjugent pas, enfin, qu'ils ne sont pas contradictoires avec le fait qu'on accepte ce noyau et qu'on le trouve fondamental. Oui. Oui, c'est vrai pour compenser certaines contradictions. Je pense que je prends trois exemples sur l'antispécisme de la croissance, le bio et l'immunité. Alors, en tant qu'antispéciste, il semble tout à fait logique qu'on soit pour la décroissance, le bio ou l'immunité. Mais par exemple, sur la décroissance, comment penser l'antispécisme, en regard sur la décroissance, comme l'économie pouvait être autrefois sans utiliser le cuir, sans utiliser la force animale, quelque chose comme ça. Donc il y a des choses aujourd'hui où on peut se passer par rapport à la technique, avec le pétrole, avec le plastique. Du coup, comment penser ça, en fait, un retour à une décroissance, un retour tout en étant antispéciste, sur le bio, comment penser antispécisme et puis à l'autre pratique bio, je pense par exemple que l'utilisation des insectes est positive et largement meilleure que l'utilisation des pesticides. Mais une vision antispécisme, en fait, là, c'est une exploitation de ces insectes. Et pourtant, l'antispécisme va avec, on peut dire qu'il va avec le goût. Et sur l'IVG, quand on est antispéciste, il va de soi qu'antispéciste, être antispéciste, c'est trop IVG. Pourtant, comment on pense du coup ce statut de l'embryon quand on est antispéciste, du coup, avec une vision de l'intérêt du vivant? Ça fait un paquet de questions différentes, en fait. Oui, voilà, du coup, j'ai pris trois exemples de contradictions, mais en même temps, je ne me sens pas, parce que quand on est antispéciste politiquement, on se doit d'avoir une cohérence sur le plan, c'est d'être au pour, en fait, cette troisième fois que j'ai donné, la décroissance, le bio, le végé, mais en même temps, comment penser ces questions? Enfin, moi, je pense que c'est une question que tu poses qui serait beaucoup mieux dans le débat de demain avec Yves que dans le débat de ce soir. Parce que je pense que je pense que tu as tort quand tu dis, quand on est antispéciste, on doit être, par exemple pour le bio, on doit être antisexiste. Logiquement, quand on est antispéciste, on n'est pas obligé d'être antisexiste. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être bon, vieux non plus, mais je veux dire, antispéciste, c'est simplement dire la discrimination suivant la frontière humain pas humain n'est pas valable. La même logique devrait conduire à dire la discrimination suivant le sexe n'est pas valable non plus. Mais je veux dire, c'est la même logique mais appliquée à un autre domaine. En soi, je veux dire, ce n'est pas la même proposition. C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, il y a une logique politique, et je suis d'accord que cette logique politique peut nous amener, à partir du moment où on est antispéciste, à être antiraciste, antisexiste, etc. Encore que la définition de ce que c'est antiraciste, antisexiste, elle est aussi pas immédiate. On peut avoir des avis différents sur ce que ça veut dire. Mais en tout cas, je suis d'accord qu'il y a un lien politique entre ces choses, mais le lien logique immédiat, n'est pas forcément, et va pas forcément là. Avec le bio, je pense que le lien est encore plus ténu, parce que, bon, enfin, moi, personnellement, je suis pas pour le bio. Je suis pas pour le bio, déjà, parce que je sais pas ce que ça veut dire, le bio. Je pense que le bio est un label, plus que un label politique, un label commercial, un label idéologique, plus que quelque chose de bien défini. C'est un label qui est beaucoup défini par rapport à la notion de nature, ce qui est bio et naturel, mais pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire naturel. Bon, tout ce qui existe dans le monde est naturel, je veux dire. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel de un antispéciste, c'est pas le point de vue de l'antispécisme, tu vois. Si je peux me permettre, par rapport à deux choses que tu as évoquées, la décroissance et le bio, je pense qu'en décroissance, il y a des solutions quand on est vegan, qu'on peut utiliser de matière animale. Je pense au latex, au chanvre, il y a tout un tas de matières qu'on peut utiliser. Et donc, il y a une formation dans la recherche biologique. La traction animale, la question que je me la pose par rapport effectivement à l'utilisation du fioul et de matériel, mais on peut aussi concevoir des choses comme un grand jardin où seulement les humains travailleraient pour le bien-être des humains, pour leur propre profit. Et c'est la bio, effectivement, tu parles de la lutte biologique avec les insectes. Savoir qu'un espace naturel qui est bien construit en respect de la biodiversité et de l'environnement, les insectes vont venir tout seuls. Ça va vraiment rajouter. Si on rajoute, ça veut dire qu'on est serre, donc déjà c'est pas naturel, c'est pas vraiment bio, de l'égide naturel. Et si tu respectes bien tes saisons, tu ne peux pas produire des tonnades en calendaire, tu n'as pas forcément besoin de juste de bourdons apportés artificiellement. La pollinisation, elle se fait par les pollinisateurs qui sont présents, c'est par des talus avec les insectes, tout ça qui vont venir. Et si tu as, tu laisses le vent aussi faire qu'il y a le meilleur pollinisateur après les insectes. Donc tu peux tout à fait concevoir ne pas exploiter l'animal et pourtant être dans une logique de société humaine, pas énergivore et pas capitaliste. Je peux essayer de proposer aussi un autre type de réponse. Moi, je suis égalitariste, c'est-à-dire que je suis antispéciste, parce que je suis égalitariste. Enfin, je veux dire, si j'étais spéciste, ça voudrait dire que j'accepte des discriminations qui sont arbitraires, et donc je serais pas égalitariste, je serais inégalitariste, enfin, anti-égalitariste. Mais ça veut dire que je considère qu'il faut prendre effectivement les intérêts, il faut prendre en compte les intérêts des autres animaux de façon égale aux nôtres propres, de façon aussi importante. Et je pense que effectivement à l'heure actuelle, si on cesse de prendre les intérêts des animaux à la marge, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent pour les humains, par exemple à l'échelle mondiale. C'est clair qu'il y a un certain nombre d'humains qui, à l'heure actuelle, vivent de façon très importante de l'exploitation animale et qui vivraient très mal, voire qui mourraient de la suppression de l'exploitation animale. La pêche notamment, mais aussi il y a un certain nombre de formes culturales qui dépendent des engrais animaux. Qui pourrait certainement ne pas en dépendre, mais qui, dans les conditions actuelles, en dépendent, et comme ce sont souvent dans des régions extrêmement pauvres, les gens ne pourraient pas mettre comme ça en œuvre d'autres types de solutions, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes que pose la prise en compte des intérêts des autres animaux, qui mettent en jeu des intérêts très importants d'humains, et aussi un certain nombre de problèmes pour lesquels on n'a pas de solution à l'heure actuelle. Ça peut être la lutte contre les ravageurs, par exemple, toujours dans le domaine agricole, des trucs comme ça. Mais je pense qu'il faut mettre au centre la question morale, qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse des humains, et considérer qu'il s'agit là de problèmes qu'il faut résoudre, et non pas de problèmes qu'il faut esquiver parce qu'il y a des intérêts importants humains, par exemple, ou écologiques, qui sont révélés, qui se posent. Un peu de la même façon qu'à partir du moment qu'on pense, qu'on a conclu que l'esclavage humain était inadmissible, moralement, et qu'il devait être aboli, alors même si des pratiques esclavagistes se révèlent extrêmement profitables à certaines catégories, il faut mettre en œuvre les moyens de l'abolition de l'esclavage et non pas dire il y a des problèmes donc il faut mettre de côté cette abolition. Je peux prendre un autre exemple. Dans la plupart des sociétés rurales du tiers-monde, l'espérance de vie des hommes est d'environ une cinquantaine d'années, l'espérance de vie des femmes est d'environ une quarantaine d'années. Et il y a une différence d'une dizaine d'années qui s'explique en partie à cause des mauvaises conditions d'hygiène liées aux histoires enfin à l'enfantement, à plein de choses, mais qui s'explique aussi en partie à cause du patriarcat. Et moi, je pense que le patriarcat, c'est quelque chose qui est complètement injustifiable moralement, qui doit être aboli, malgré le fait que ça signifierait sans doute un partage des richesses et des activités qui entraînerait sans doute une baisse de l'espérance de vie des hommes. Mais le contrepoint serait que ça augmenterait l'espérance de vie des femmes. Et ça, toute chose étant égale par ailleurs. En fait, dans la réalité, je me bats pour un partage plus égalitaire des richesses au niveau mondial, etc., etc. Et je veux dire, si on prend indépendamment de ça. Et je pense que la question antispéciste, c'est une question morale, fondamentale, et qui est aussi qu'il faut poser au cœur en fait de nos réflexions, comme par exemple la question de l'abolition de l'esclavage, enfin ou de l'égalité humaine disons, et qu'il faut voir ensuite comment on peut résoudre les problèmes qui se posent, y compris dans certains cas où pour l'instant on n'a pas de solution qui reste à inventer. Je ne sais pas si c'est une réponse générale à des questions particulières que tu posais. C'était sur des jumeaux, des objections qui pouvaient être faites sur les questions pratiques, en fait. Par exemple, on va dire on est pour la décroissance, donc il y a un certain... Ça reprend certaines choses que la... Enfin, rappeler certaines choses que la mentalité a pu enlever. à qui vont partir, par exemple avec le pétrole, on parle plus de plastique, mais avant c'était l'utilisation du cuir. Peut-être qu'avec avec les recherches scientifiques, on peut trouver le nouveau matériau, mais dans un peu de décroissance, on serait assez. Revenir justement sur les anciennes techniques, c'est l'utilisation du cuir, de la laine, ce genre de choses, parce que quand on ne produit pas en France, on est sur une préparation de disponibilité pour produire localement en fait. Du coup, c'est ce genre de contradiction. Je pense qu'on l'a analysé. C'était un stage à Venise, qui disait, donc ils visent traditionnellement c'est des cols de poisson, des cols d'eau, ce genre de choses-là. Il n'y a jamais eu de col végétal assez efficace en fait. Il faut refaire le travail plusieurs fois par an parce que ce n'est pas aussi efficace que du col animal qui peut tenir des années dans des siècles. Et du coup, c'était justement comment penser pour le fait de revenir à une usine traditionnelle qui utilise ces cols animaux sans passer par un végétal qui ne marchait pas. Et que la modernité, elle avait des choses venues des fois de poubelle, de la chimie. Mais justement, si on met dans son rocher ces choses-là, comment on gère ces conditions-là? Peut-être que par confort et facilité, on n'a pas utilisé une modèle de technologie ou une capacité intellectuelle pour trouver des cols végétales satisfaisants et de se contenter d'eux. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui, il y a certainement une mobilisation de notre savoir-faire et de notre potentiel. Pour une fois qu'on aura dit votre comportement, on trouvera certainement des solutions. L'homme est très, je ne suis pas admirative, il a quasiment normal, mais on a quand même des capacités d'innovation, d'ailleurs, on se fait la recherche sur ça. Et il y a certainement plein de solutions et de potentialités qu'on n'a pas exploitées jusqu'ici parce qu'on avait à portée de main des ressources animales, et c'était tellement facile. Par rapport à la décroissance, parce que moi, c'est ce genre de dynamique en fait, qui me pose pas de soucis. En fait, c'est justement quand on travaille sur une base d'une innovation géologique, ça vient clairement se dans le cadre de sociétés capitalistes avec un objectif de profit en priorité et d'objectifs peut-être industriels qui servent certains objectifs. La décroissance, c'est une fausse solution en fait, où en fait, c'est refuser d'avancer pour se contenter d'un sort de passé mythique. Enfin, c'est une vision. Et comment c'est aussi pour rebondir en fait, sur la question de l'antispécisme et comme je dirais de l'hiérarchie animale, en fait. Pour moi, l'antispécisme, c'est clairement en fait, aussi dans une logique de lutte contre l'oppression. En fait, cette lutte contre cette oppression en fait, ne peut pas aller sans autre sens avec aussi d'autres formes d'oppression. Et là-dessus, en fait, c'est une question de l'église, en fait, c'est par rapport à des propos qui ont été tenus. Sur la question animale, c'est un peu des questions nettes sur le fait de mettre en parallèle, comment dire, antispécisme et fascisme, enfin, spécisme et fascisme, où en fait, dans le cadre de la vie du travail, il me semble, en fait, que je me trompe, mais vous avez dit que, après tout, dans la vie du travail, il pouvait y avoir des fascistes qui pouvaient intégrer. La manifestation est potentiellement pire que des spécistes en fait, qui seraient progressistes sur d'autres sujets. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je devrais dire par rapport à ça exactement. La question c'est. Moi j'ai vu, je ne sais pas où ça a été débattu, moi j'ai vu que. Qu'il y a un site de la Terre d'abord qui va casser du sucre sur le dos en apportant ça. Je trouve que c'est un truc élémentaire, quoi. C'est-à-dire qu'on fait une manifestation pour un objet précis qui est les gens qui sont végétariens pour les animaux. Qui refusent de manger les animaux, que c'est important de mettre au clair l'existence de ces personnes-là, qui sont pas forcément des antispécistes, hein. C'est-à-dire c'est simplement des personnes qui se soucient suffisamment des animaux pour rompre ce tabou social qui est que c'est normal de bouffer les animaux. On veut rendre ça public et à partir du moment où on a créé la Vegibrite, on a voulu nous rajouter plein de trucs dessus, qu'il fallait que la Vegibrite soit antisexiste, que la Vegibrite soit, etc., etc. Non, le Wiki Pride est là pour exprimer, pas l'alpha et l'oméga de la lutte, mais est là pour exprimer un truc précis qui est l'existence de gens qui ont envie de bouffer les animaux pour les animaux. Si il y a des fascistes qui sont sincèrement végétariens pour les animaux, je comprends pas comment on peut regretter que ces fascistes soient végétariens pour les animaux. Moi, je regrette qu'ils soient fascistes. Mais sachant qu'ils sont fascistes, je trouve bien qu'ils soient végétariens pour les animaux. Les fascistes sont des gens qui sont, à mon avis, profondément dans l'erreur par rapport à leur vision politique du monde. Mais si, sur un point que j'estime extrêmement important, ils sont dans le juste, je ne vais pas leur dire « Ah ben non, je préfère que vous soyez cohérent et que vous soyez dans l'erreur surtout, plutôt que d'être dans l'erreur sur en étant fasciste et en étant dans le juste par rapport aux animaux, quoi. » Donc, je veux dire, s'ils viennent à la Vigipride et qu'ils viennent sincèrement à la Vigipride pour manifester le fait qu'ils sont végétariens pour les animaux, ils viennent en tant que végétariens pour les animaux, pas en tant que fascistes. Je veux dire, la Vigipride, c'est pas là pour dire « Oui, soyez végétariens, en effet, Hitler était végétarien. » L'unité est claire, quoi. Je veux dire, c'est pas ça. Donc, je vois pas le problème. En plus, je trouve que... Voilà, ce que tu as dit là par rapport au la comparaison avec les gens qui sont spécistes, et pas seulement qui sont spécistes, mais les gens qui bouffent les animaux tous les jours et qui parfois le revendiquent et qui sont très violents pour bouffer les animaux, parce que moi j'en connais, là, donc, hein, des anarchistes qui sont fiers de bouffer les animaux. Et moi je vais dans une manifestation contre l'expulsion d'un sans-papier, par exemple, je me retrouve à côté de ces gens-là. Ces gens-là, je les aime pas, mais j'ai pas besoin de les aimer pour être dans une manifestation avec eux. Je vais dans une manifestation contre l'expulsion du sans-papier, et ben je vais avec d'autres gens que j'aime peut-être pas, mais qui sont d'accord avec moi sur ce sujet, c'est normal. C'est comme ça qu'on obtient que les sans-papiers soient pas expulsés. C'est la politique, ça, c'est pas... Attends, juste pour dire que je pense que derrière cette idée qui est scandaleux de d'accepter des fascistes à la Vigipride, il y a l'idée que quand même, une lutte pour les animaux est forcément moins importante que les autres luttes. Oui, excuse-moi, j'étais long, mais... Ouais, moi j'ai une vision qui est différente, dans le sens où, je pense que, la tentation en France, enfin, dans le pays, je peux dépasser, il me semble qu'en Allemagne, d'après ce que j'ai pu lire à la gauche, ils ont intégré dans l'antispécisme des revendications qui est féministe, sexiste, etc. Sinon, en France, là, j'ai l'impression d'un différent mouvement. Des événements médiatiques, en tout cas, qui sont portés par la cause animale, qui sont larges. Donc, la Vigipride, donc, la manifestation commerciale par les Vendées, donc, récemment, les autres animaux aussi. Il y a une perméabilité, justement, par un positionnement, qui est publiquement apolitique, on va dire. Sur les questions sociales par rapport à l'intérêt social, il permet justement à des idées fascistes, à des personnes fascistes aussi qui récupèrent ces trucs. Par exemple, là, c'est Jean-Yves Le Pen qui s'est dit, en fait, je suis subsidiaire volontaire, enfin, qui a dit, bon, j'ai fait un peu à Nice pour la Nice. Nice pour l'époque pour les animaux. Le Paris des Gendais, c'est pareil, il y a des trucs qui sont clairement, comment dire, dégueulasses qui traînent autour de cet événement. Et si on prend aussi dans la cause animale au sens large, pour moi, c'est une question qui est essentielle, en fait. Au sens large, en fait, la cause animale, en fait, se refuse de prendre position en cherchant une union très très large, mais en perdant, en fait, certains fondamentaux. La question de l'abattage intellectuel, on arrive à des campagnes qui sont clairement dégueulasses. Les campagnes d'affichage qui est maintenant en ligne, sur des parties qui sont super test là-dessus, qui sont intéressantes, plus d'autres aussi, et du coup, on trouve avec des gens qui vont cautionner, en fait, justement, des réactions, enfin, un aspect raciste, etc. Ou là, par exemple, la Fondation des droits d'eau qui donne des interviews aux minorités. Il y a plein de petits trucs en fait qui font que même, les machistes arrivent à faire une insertion dans les années là. Je pense qu'il y a des lignes de démarcation clairement à faire en fait à ce niveau-là, mais bon, ça. L'idée, c'est de changer le boulot. Enfin, moi, je trouve que. Enfin, moi, je suis vraiment pas d'accord avec toi dans le sens que. Je pense que qu'il est extrêmement important de combattre la pensée fasciste, la pensée de droite. Mais moi je le pense parce que voilà, c'est ce que je pense. C'est pas simplement en tant qu'antispéciste, c'est sur parce que je pense qu'il faut combattre l'idée que d'identité, les identitaires se nomment très bien identitaires, c'est leur fond de truc. Il faut, mais ces idées-là, je pense que c'est pas les fascistes qui les véhiculent, c'est la totalité de notre société. Je veux dire, l'idée d'identité, on va sur n'importe quel site et on se met à parler d'animaux. Dans les commentaires, par exemple, du Monde, sur le site du Monde, des trucs comme ça. Puis il y a toujours quelqu'un qui va venir dire « Ah ouais, les végétariens voudraient qu'on bouffe comme les Américains, c'est un truc qui vient des États-Unis. » Et non seulement ça, mais dans les milieux d'extrême-gauche, d'extrême-gauche ou antifasciste et tout ça, franchement, et là je dis un peu ce que j'ai sur le cœur, je trouve que par exemple, en Allemagne, et je les connais un tout petit peu en Allemagne, pas énormément depuis un moment, mais en Allemagne, en Italie, et puis en France aussi, c'est que moi, je trouve qu'ils ressemblent énormément aux fascistes, les antifascistes. Quand je les vois dans la rue, j'ai peur. Quand j'essaye de discuter, j'ai peur de me prendre un pain dans la gueule, et je m'en suis pris. Yves et moi, on s'est fait casser la gueule par des, ouvrez les guillemets, antifascistes, fermez les guillemets, à Lyon, parce qu'on est végétariens, et que, bon, enfin, c'était, non mais, ça m'a vraiment frappé à quel point, si on va sur les sites, identitaires, et compagnie, on regarde un petit peu leurs trucs. À une époque, j'allais souvent sur Guimedia, par exemple, et je suis tombé un peu par hasard sur, je sais pas, un truc qui s'appelle Alter Info, ou Alter, Altermedia, enfin bon, ils ont des noms comme ça. Mais, je veux dire, qui est un site d'information d'extrême droite, c'est ça? D'extrême droite, et ça se ressent comme deux gouttes d'eau. La phraséologie se ressent comme deux gouttes d'eau, la violence se ressent comme deux gouttes d'eau, le machisme, qui se part souvent de phraséologie antisexiste, se ressemble comme deux gouttes d'eau. L'identitarisme, moi je pense que pour une grande partie, la revendication antifasciste, c'est une revendication identitaire. Je suis désolé, mais est-ce que c'est en voulant absolument dire « Ah ouais, les fascistes, je suis plus fortement contre les fascistes, pas de fascistes chez moi, les fascistes hors des quartiers, moi, à la Croix-Rousse où je vis ». Partout, il y a des trucs, des fascistes. Les fascistes hors des quartiers, pas de quartier pour les fascistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Interpréter littéralement, pas de quartier pour les fascistes, c'est la peine de mort pour les fascistes. Qu'est-ce qui, en France, réclame la peine de mort? C'est les fascistes. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de mimétisme? Enfin, là, on est un peu loin du problème, mais pas forcément. Je pense que l'antifascisme en France et en Allemagne aussi, par exemple, tu dis, on veut pas, en Allemagne, ils ont mis une barrière, pas de perméabilité aux idées, Donc, déjà, après, je connais pas la situation, je connais en Allemagne, par rapport à différents articles que j'ai lus, Mais quel est le succès, de leur lutte antifasciste en Allemagne? Je veux dire, à part, pouvoir faire des concerts entre eux et dire, mettre des petits autocollants antifascistes et dire nazis, non-nazis et compagnie. Je veux dire, est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à combattre les idées du nazisme? Ou est-ce que c'est en réfléchissant sérieusement à, par exemple, tout l'essentialisme que véhiculent nos idées d'espèce, nos idées de genre, nos idées d'identité personnelle, nos idées de... Moi, je pense que c'est plus en réfléchissant à ça qu'on arrive à avancer par rapport à ça. Est-ce que c'est en... Et aussi en réfléchissant aux bases de l'éthique. Par exemple, Yves et moi, on avait fait à un certain moment à Lyon un manifeste contre l'apartheid international pour dire, dites donc, sur les mêmes bases qui disent que c'est pas parce qu'on est né noir plutôt que blanc qu'on doit être traité différemment, c'est pas parce qu'on est né dans un pays plutôt que dans un autre qu'on doit être traité différemment, et donc sur des bases éthiques, on doit refuser les frontières, les interdictions de migration, etc. Tous les antifascistes lyonnais sont tombés dessus en disant « ça sera pas populaire, il faut pas raisonner au niveau éthique, il faut répéter jour après jour que l'immigration est un bienfait pour les ouvriers français. Bon. » C'est-à-dire évacuer toute réflexion éthique, évacuer toute... Alors que je pense que si on veut réellement respecter les intérêts des travailleurs, des gens qui sont nés au Sénégal, aussi peut-être accepter d'y perdre un peu quelque chose pour nous, quoi. Comme disait Yves sur un autre sujet. Ça, surtout pas, il ne faudrait surtout pas en parler dans le milieu de l'extrême gauche. Ah bon, voilà, j'arrête là, mais c'est pour ça que moi ça me fait mal quand des gens viennent et se permettent de dire que moi je serais soft avec les fascistes, parce que non, c'est qu'ils vont essayer de jouer. C'est plus une question sur la nécessité de poser des bases claires. Il y a des politiques en Suisse qui ont lancé l'émission de Mars, qui est une charte qui pose des bases éthiques claires justement sur le fonctionnement justement du groupe animaliste, et qui a l'avantage justement de poser clairement le refus de toute forme de discrimination à l'intérieur de la société humaine. Et je trouve que c'est une démarche qui est très très positive, qui méritait justement d'être vu beaucoup plus en France. Et quelques collectifs, comme par exemple en France, de mémoire, il y a les grands-pères enragés de tous qui disent qu'ils ont donné à ces gens-là, qui sont anti-spécistes, pardon, et donc anti-fascistes, par exemple. Et ils ont une notion d'autres, en fait, ils étaient en fait, mais je pense que qui devrait être remarqué dans des noms plus grands, comme les Grecs. Moi, c'est un sparadrap et c'est un mauvais sparadrap. Ouais, bon, mais on va peut-être pas. Je vous proposais juste de continuer le débat en discutant, mais on se rapproche du fait qu'il se lance de nous. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient parler, en tout cas, qui. D'accord. Je crois justement que tu avais une